Le comité autrichien à la mémoire de son excellence Monsieur Kim Jong-il est constitué le 7 courant à Vienne. Il a décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles pour exalter la vie révolutionnaire sacrée et les exploits mortels du camarade Kim Jong-il à l'occasion du 5e anniversaire de son décès et les exploits du maréchal Kim Jong-un accomplis pour la révolution de Songun.